poste noter juste à l'heure. Y'a pas de chauffeur. On en s'en va vers notre père. Il restera plus rien pour me distraire. L'humanité a besoin d'aide humanitaire. Le diable.